La lycanthropie est la métamorphose d'un humain en loup, communément appelé loup-garou. Cette définition est relative au folklore, mais je puis vous dire qu'elle est réelle. Rationnellement, sa définition médicale est relative à un type de maladie psychiatrique. Elle est aussi associée au mysticisme. La schizophrénie est une forme de maladie mentale à plusieurs facettes. Elle est principalement d'ordre génétique, environnemental ou psychologique. Elle se manifeste par une désorganisation de la pensée et du discours. Elle crée des hallucinations principalement auditives. La mégalomanie ou folie des grandeurs est considérée comme une forme de psychose délirante chronique. Le sujet qui en est atteint éprouve un besoin sans cesse de puissance et possède une estime de soi souvent démesurée. L'une des plus épouvantables, graves et dérangeantes maladies est certainement celle-ci, la pandragonie. C'est une maladie rarissime. Un seul cas est recensé jusqu'à ce jour, semble-t-il. Elle a pour effet de provoquer chez celui qui en est atteint des propos dérangeants qui vont souvent à connotation inconnue de la plupart des autres, de souffrir de multiples personnalités, telles celles d'un médecin fou, d'avoir une préférence pour la musique métal, spécialement le death metal, et de se prendre pour un animateur de radio. C'est horrible! Ouh. Après toutes ces descriptions peu reluisantes et ma foi fort inquiétantes et des profils psychologiques associés à ces maladies mentales, je suis très heureux et soulagé de ne pas en être atteint d'aucune. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque malgré le fait que 99,9% de son cerveau soit gravement atteint et irrécupérable, qu'il se considère comme le plus équilibré des êtres non vivants. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated. 'Cause Pendragon said so. Crossover, go! fear for Johnny. Young man, I'm about to piss and your face. It's just all now. You never gonna walk on kids. I was feeling hey, that's it. Fuck the fight, fight it back. Now you die by attack. Living out your high school face. Gotta, it's way too late. Make a voice. 24 et 25 mars prochains, de 13h à 20h. Emma Québec, le département des sciences infirmières, le service de santé de l'UQTR en collaboration avec les étudiants en biologie médicale vous invite à une grande collecte de sang dans le hall du pavillon Albert-Tessier au 3351 boulevard des Forges à Trois-Rivières. Le lundi 24 mars et le mardi 25 mars à l'UQTR de 13h à 20h, donnez du sang, donnez la vie. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h. Sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Avis de recherche. Toi. Rejoins l'équipe de C'est Fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. Suivant. Qu'est-ce qui te vaut cette présence en enfer, mon cher? Ah, je le savais que ça finirait mal, cette histoire-là. De quelle histoire tu parles? Écoute bien, j'étais à la barrique, pis là j'étais vraiment en train de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand tout à coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais pourtant allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La barrique pis ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur officiel ici. C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue dans cette nouvelle édition de réanimation en ce 18 mars de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je serai avec vous jusqu'à 21h pour vous faire écouter toutes sortes de choses parfois bizarres, mais métalliques. En ouverture d'émission, j'espère que vous aurez apprécié ce petit spécial crossover, parce que moi, il m'a fort plu, et c'était le but ultime, parce que si vous écoutez et vous n'aimez pas ça, ben c'est pas plus grave que ça, parce que j'en ressens absolument rien. Stormtrooper of Death est la pièce Freddy Krueger, qu'on le retrouve sur le seul et unique vrai, bon, très bon album, très, je dirais, quasi iconique, de cette formation américaine Speak English or Die qui est paru en 1985 sur l'étiquette Megaforce. Nous avions auparavant une très courte pièce de 46 secondes de Nuclear Assault tirée de l'album Game Over, soit Hang the Pope. Ça me fait bien rire à toutes les fois que j'écoute Hang the Pope. Hang the Pope, Hang the Pope, Hang the Pope, Hang the Pope. C'est pas très compliqué à apprendre des paroles. Crumbsuckers est la pièce Interlude qu'on retrouve sur Life of Dreams. Premier album et seul album intéressant de cette formation également américaine, Crossover, qui est paru en 86 sur Combat. DRI est la pièce Decisions que l'on retrouvait sur leur deuxième album, soit, pas le deuxième album, pas du tout, sur l'album Crossover, qui était le premier album qui mettait en scène une atmosphère un peu plus métallique, qui est paru en 87 sur Metal Blade. Attitude Adjustment et la pièce Johnny, que l'on retrouve sur American Paranoia, qui est paru en 1986 sur Postmort Recording. Et nous avions ouvert avec Ludichrist et la pièce Games Once Played, que l'on retrouve sur le premier album Immaculate Deception, qui est paru en 86 sur Combat. Ludichrist, qui existe toujours, qui a été formé en 1984. Ils ont eu une longue pause entre 89 et 2007. Ils ont été actifs en 2007 pour reprendre en 2012, semble-t-il, jusqu'à aujourd'hui. Tommy Christ est toujours le chanteur. Il semble y avoir des membres relativement, je ne dirais pas de la formation exactement originale de 1984, mais il semble avoir beaucoup de membres dans l'alignement qui sont depuis la mi-80. Et juste avant, je vous parlais de DRI il y a quelques secondes et ils seront de l'alignement du Heavy Montreal 2014. Cette année, le Heavy Montreal a mélangé beaucoup de choses, à mon humble avis. Ils ont ramené l'aspect crossover, entre autres, avec DRI. Moi, j'avais aucune idée que DRI performait encore. Je ne crois pas qu'ils ont quelque chose de vraiment récent. Je pense que le dernier album studio complet est Full Speed Ahead, puis il me semble qu'il est de 1995. Mais semble-t-il qu'ils sont toujours actifs au niveau du spectacle, peut-être moins souvent maintenant, mais ils le seront au Heavy Montreal cette année. En fait, on y retrouvera des noms tels que Metallica, Slayer, Lamb of God, The Offspring, Anthrax, Bad Religion, Three Days Grace, DRI, Dropkick Murphys, Epica, Apocalyptica, Pennywise, Exodus, Hellstorm, Hatebreed, Body Count, Symphony X, Municipal Waste, Overkill, Grimmskunk, Whitechapel, We Came As Romans, Fucked Up, Protest the Hero, Monster Truck, Unhurt, Madball, Cynic, Mass Hysteria, Stick Your Guns, Bat Sabbath, Necrogoblicon, Truck Fighters, Beheading of a King, Nepenthes, et Biblical Sword In et Gedeon aussi. Moi, personnellement, je n'y vais pas encore cette année parce que, oui, il y a des formations qui m'intéressent. Effectivement, Exodus en est une pour nommer celle-là. Mais Overkill, ça m'intéresse, bien entendu. Slayer, je suis curieux de les voir, quoique maintenant, ils ne sont que la moitié d'eux-mêmes, évidemment. Mais c'est entremêlé de beaucoup trop de choses. Anthrax aussi qui m'intéresse, bien sûr. Mais c'est entremêlé de beaucoup trop de choses qui ne m'intéressent pas, comme The Offspring, ça ne m'intéresse pas du tout. Bad Religion, non plus. Three Days Grace, non plus. Dropkick Murphys, non plus. Pennywise, pas du tout. Hatebreed, non plus. Body Count, qui... Je suis vraiment surpris, Body Count. C'est Ice-T, ça. Et ça fait... En tout cas... C'est plus du rap que d'autres choses. Je vois pas ce que ça fait dans un festival qui s'appelle Heavy Montreal. Bon, je conçois facilement que c'est une question d'attirer le plus de gens possible. Ça, je le comprends bien, mais personnellement, ça ne me cadre pas. Et je n'ai pas envie d'aller me taper un 7-8 heures debout défilé pour voir un band qui me plaît et m'en supporter 2-3 autres que je veux rien savoir. Donc, je n'y vais pas. Ceci étant dit, ce soir, j'ai une petite chronique musicale, parce que pas énormément de choses qui sortent présentement, puis j'ai beau fouiller, là, je creuse des formations plus underground, s'il y a pas énormément de choses. Par contre, j'ai une bonne chronique cinéma, puis j'ai vu des choses assez bonnes, je dois dire, la semaine dernière. Et ben, en fait, de la dernière émission aller jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu des trucs fort intéressants. J'ai baptisé ce spécial ce soir Crossover and Covers parce que le prochain bloc que je vous propose est un bloc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la morgue. C'est bizarre ça. Le prochain bloc que je vous propose est un bloc entièrement dédié à des formations qui reprennent des pièces d'autres formations, bien entendu. Et ça va passer du doom là, très lourd, très pesant, à aller au heavy très criard par moment. Un bloc qui dure quand même pratiquement 32 minutes. Et je dois vous dire, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous ce soir. C'est une mauvaise nouvelle pour moi aussi, mais je dois vous le dire, Gustave ne sera pas avec nous ce soir. Non, Gustave n'est pas là parce que il a dû envoyer son drap de fantôme chez le teinturier. Et ça serait fort indécent de sa part de se promener ici en invisible. On va retrouver Gustave la semaine prochaine, c'est-à-dire, mais peut-être à Rock Classic vendredi, tout dépendant s'il aura reçu son drap rafraîchi. N'importe quoi. Allons-y tout de suite avec une formation qui est défunte parce que le chanteur est défunt lui-même. Il s'agit de Typo Negative avec une excellente reprise de la pièce Black Sabbath qui est parue sur l'album Nativity in Black. C'est une des plus belles reprises, une des meilleures que j'ai entendues, une des plus sombres aussi que j'ai entendues de cette pièce de Black Sabbath qui originalement est excellente, soit dit en passant. Typo a fait une très belle job avec ça. Donc, on va aller se taper cette pièce-là immédiatement. Typo Negative, Black Sabbath, go!

You're in for a surprise. You're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fog, when you least expect me and you turn your back, I'll attack, attack. Shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Oh, hear my warning. Never turn your back on the river. You'll soon shake the fear, never knowing if I'm near. We'll be right back.

Les Pablo Assez Fous, les jeudis de 15h à 18h, en rappel les vendredis à 17h et les dimanches à midi. Génie en liberté, émission d'actualité et d'information, tous les mercredis à 14h. La Julie Factory, c'est une boutique de laine et un atelier d'art textile. Venez vous détendre dans notre salon de tricot. Pour débuter ou vous perfectionner, notre équipe de pros vous éclaire à trouver des idées originales et adaptées à vos habiletés. Plusieurs choix de fils et de laine s'offrent à vous. Cascade, Noro, Fliss Artiste, Zara sont disponibles sur place. De plus, nous avons tous les accessoires pour vos projets de tricot, de tissage, de feutrage et de filage. Obtenez 10% de rabais sur présentation de la carte étudiante. De l'aiguille au rouet, en passant par les métiers de table, la Julie Factory est imbattable. 140 boulevard Louis Fréchette à Nicolet. Soldats, vous êtes prêts? Ça fait des semaines qu'on se prépare, alors on passe à l'attaque! Défendez vos femmes, votre pays, mon Dieu! Avez-vous des questions? Ouais, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut aller aux toilettes avant? aux toilettes avant, c'est con, hein? C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi le 24 mars, venez voir la Luître qui accueille une équipe de l'étranger. Comme d'habitude, 19h30, Chasse-Galerie, gratuit. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Well, 20h07 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation. The Undead Incorporated Show, en ma compagnie, charmante compagnie, n'est-ce pas, celle du Dr. Pain Pendragon, et jusqu'à 21h, sur les ondes de Sifu 89.1 FM. Cradle Filth, avant cette pause publicitaire, dans ce bloc Covers, qui reprenait la pièce de Slayer, Hell Waits, que l'on retrouve originellement, bien sûr, sur l'album du même nom. Cette reprise est apparue sur l'album, forme d'album compilation Lovecraft and Witch Hearts, qui est paru en 2002 sur Music for Nation. Et je dois dire que selon moi, cette reprise, Slayer par Cradle Filth, est probablement ce qu'ils ont fait de mieux dans leur carrière. Quoique je ne dénigre pas tout ce qu'ils ont fait, évidemment, ils ont eu des bonnes choses qui ont été faites, Cradle of Filth, mais je pense que ça, c'est une pièce très percutante, cette reprise de Slayer. Et je dois dire aussi que Paul Allender a fait une sacrée belle job de guitare sur cette reprise-là, donc écoutez, c'est peut-être le côté vocal de Danny Field qui devient un petit peu fatigant à la longue, parce qu'il était encore à l'époque où ce qu'il se prenait pour un chihuahua. En fait, pas juste de taille, mais bien de voix aussi. Et mais par contre, dans l'ensemble, musicalement parlant, ça se font très bien. Et puis, je trouve que cette reprise est fort acceptable, voire très bonne. Abattoir. C'est la première fois que j'ai passé une pièce d'abattoir depuis l'historique de réanimation. Pourquoi? Bien parce que... et j'ai repris, évidemment, leur emblématique reprise de Motorhead, soit Ace of Spades, qui était paru en 85 sur Vicious Attack, Ticket Combat Records. Et je me rappelle pertinemment que cette année-là, lorsque Vicious Attack était sorti, leur reprise de Ace of Spades avait fait quand même un sacré tabac. Et c'est une des rares reprises de Ace of Spades, si on veut, mais c'est aussi une des rares qui est quand même pas mal bonne. Juste auparavant, nous avions Whitfield Crane et Rocky George. Whitfield Crane, c'est un gars de Ugly Kid Joe. Oui, ok, j'avoue, c'est pas vraiment bon, mais il s'est joint à Rocky George, ex-Suicidal Tendencies, excellent guitariste d'ailleurs, pour refaire une bonne reprise de Metallica. Et la pièce Master of Puppets, vais-je le dire, qui est apparue sur l'album du même nom. Cette reprise est tirée de Metallic Attack, qui est parue en 2004 sur Big Deal. D'ailleurs, le Rockmaster m'a appelé pour dire « Qu'est-ce que tu fais là? Je fais jouer du Metallica! » Ben, j'ai dit « Cette pièce-là est bonne. » Ah, ben, c'est vrai. Cette reprise-là aussi, elle est très bonne. Nous avions Merciful Fate et la reprise de Judas Priest, soit de Ripper, qu'on retrouve sur Tribute to Judas Priest Legions of Metal, qui originalement apparaît sur le disque de Judas Priest, bien entendu, Sad Wings of Destiny. Le Tribute to Judas Priest est paru en 1997 sur Century Media. Nous avions Hopeth juste auparavant et la très bonne reprise de Circle of the Tyrant, qui est une pièce de Celtic Frost, bien entendu, qui apparaît originellement sur The Megatherium. La reprise de Hopeth apparaît sur My Arms, Your Ears, qui est paru en 98 sur Candlelight. Et nous avons ouvert avec une formation qui donnait une reprise très doom, très sombre, de de Black Sabbath, Typo Négative, et la pièce Black Sabbath. Reprise qui apparaît sur la clôture, c'est la clôture de l'album Nativity in Black, qui est paru en 94, si je ne m'abuse. C'était le volume 1, Tribute to Black Sabbath, sur Concrete. Moi, personnellement, j'ai toujours bien aimé ce que faisait Typo Négative dans cette espèce de forme de gothique à tendance hard rock métallique, très dépressive par moments et très sombre. Malheureusement, formation n'existe plus parce qu'il y a quelques années, Peter Steele est décédé. En fait, il souffrait de gigantisme, ce qui veut dire qu'il y a probablement une insuffisance cardiaque pour supporter toute cette espèce de grand Frankenstein qu'il était. Il est mort quand même assez jeune. Donc, je ne crois pas que Typo Négative reviendra jamais. Je ne crois pas qu'ils auraient intérêt à le faire parce que c'était caractérisé principalement par le vocal très caverneux d'outre-tombe de Peter Steele. Ceci étant dit, allons faire un petit tour côté de mes petites chroniques musicales qui sont quand même relativement très courtes encore cette semaine, dois-je le dire. Je vous rappelle que le 14 avril, c'est la sortie du nouvel album Triptychon. Ça, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Le 23 mai, Misery Index sort un nouvel album aussi qui risque d'être fort intéressant parce que j'aime bien ce qu'ils font. Et le nouveau Vader, qui porte le titre de Go to Hell, sera disponible en mai. Il n'y a pas encore vraiment de date arrêtée ici en Amérique du Nord, mais le site officiel et Vader disent que c'est en mai. C'est au début, à la fin, je n'en ai aucune idée. J'ai fait des écoutes de formation qui m'ont, je dirais, soit très déçu ou laissé froid. La première étant une formation australienne qui porte le nom de Iron of Horus, qui donne dans un... c'est décrit comme ça, là, je suis plus ou moins d'accord. Progressive Technical Death Metal. L'album étant Triumph of... Triumph of Power, j'ai dit ça. Je me suis peut-être trompé. Non, je me suis trompé, c'est pas ça du tout. Je pense à Iron of Horus, tout simplement. C'est, selon moi, beaucoup trop mélodique et léger pour se voir étiqueter le titre de Progressive Technical Death Metal. Donc, je n'ai pas vraiment apprécié. Ben, en fait, c'est pas que j'ai pas apprécié à cause que ça correspondait pas à l'étiquette qu'on lui avait apposée. Je suis pas d'accord avec cette étiquette-là, mais musicalement, ça ne m'a pas vraiment plu, parce que ce genre de musique-là, beaucoup trop légère dans le métal, ça me plaît pas du tout. Je vais donner un mince 4 sur 10, et encore, je me considère comme étant généreux. Un truc qui m'a laissé, en fait, ça me laisse froid. Je dois dire, ça me laisse complètement froid. Il s'agit de Flotsam and Jetsam, qui donne dans un thrash metal, une formation américaine qui existe depuis, en fait, sous ce nom, depuis 84. Parce que, Ils avaient le nom de Paradox en 81 et 82, Dreadlocks en 82-83, Dogs avec un Z en 83-84. Pour devenir finalement Flotsam and Jetsam. Je comprends pas vraiment le but d'avoir changé de nom quatre fois. Je sais pas. C'est peut-être des questions de droit ou je sais pas. Je n'ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, Flotsam and Jetsam, moi je considère que c'est une formation qui a une douzaine d'albums studio, qui a jamais fait quelque chose de très marquant, qui a toujours été pas mal flatliner, dans un trash qui est pas mauvais, qui est pas bon non plus, qui me laisse, moi, comme je l'ai dit, très froid. Et c'est pour ça que le dernier album, No Place for Disgrace, qui apparaît sur Metal Blade, je lui ai donné un 5 sur 10. Et je décris bien dans l'essai de réanimation pourquoi je lui donne un 5 sur 10. Pourquoi pas moins, pourquoi pas plus? Parce que c'est un middle of the road, le 5 sur 10. Ça veut dire que dans le fond, symboliquement, ça me fait rien. Puis je pense pas que ça m'a jamais rien fait non plus. Puis je crois pas qu'ils sont partis pour jamais rien me faire non plus. Quelque chose que j'ai trouvé, disons, pour le moins différent, c'est la formation Savage Messiah, qui est une formation qui vient d'Angleterre avec l'album The Fateful Dark. C'est une formation qui existe, je dirais quand même, qui ont une bonne discographie. Ça existe depuis quand même un certain nombre d'années. Je connaissais pas du tout. J'ai tenté le coup avec Fateful Dark de Savage Messiah et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine dynamique. Bon, ils sont étiquetés, eux autres, comme étant trash metal. Mais dans les faits, oui, musicalement, ils pourraient avoir un certain rapprochement avec le trash metal. Mais il y a une grosse connotation heavy metal traditionnelle, surtout au niveau du vocal. Et c'est passablement mélodique, ce qui veut dire que beaucoup plus mélodique que le trash traditionnel, si on veut. Donc, c'est un amalgame entre le heavy metal traditionnel et le trash. Et j'ai trouvé que, malgré que je serais pas porté à écouter ça très souvent, j'ai trouvé que c'était quand même différent. Je pense que c'est le terme vraiment qui est approprié. Dans mon appréciation, c'est différent. Je lui ai donné un 6.5 sur 10 parce que ça fait justement un peu rafraîchissant. Faut aimer les heavy metal traditionnels, faut avoir une tendance pour aimer le trash. Mais comme je vous disais, ne vous attendez pas à voir quelque chose comme Exodus, là, aussi méchant qu'Exodus et aussi plein qu'Exodus, c'est pas le cas. Mais c'est pas vilain, Savage Messiah. Je peux pas vous dire ce qu'ils ont fait avant, là, j'ai vraiment pas écouté, je peux pas vous dire si c'était bon ou non. Je m'avancerai pas à dire que c'est ce que c'était, ce qu'ils font aujourd'hui, mais vous pourrez peut-être tenter le coup de découvrir ce qu'ils ont fait par le passé, parce que The Fateful Dark, ça se tient bien. Je serais tenté de vous faire un peu la chronique cinéma tout de suite parce que je sens que éventuellement j'aurai pas le temps de la faire et je tiens à la faire cette semaine. Donc allons-y to the go. Et je vais commencer avec ce que j'ai le moins aimé, ce que j'ai trouvé nettement pourri. Oui, nettement pourri parce que je lui donnais un 0 sur 10. Il s'agit du film The Invoking, qui porte aussi le nom de Satteridge. C'est un film de 2013 qui est fait par Jeremy Berg. C'est un film d'horreur, OK, supposément, qui parle de phénomènes de hantise et d'éveiller des esprits qui sont malins. Ben, je peux pas vous dire, là, si c'est vrai, parce que j'ai écouté le film en entier, puis j'ai jamais rien vu de ça. Et puis, tout ce qu'on voit, c'est des jeunes qui vont visiter une maison dont l'une d'elles a hérité, qu'elle ne connaît même pas sa famille, et qui a supposément des secrets qui sont cachés, pour découvrir que celui qui était censé faire office de, si on veut, de gardien de la maison, qui était laissée à elle-même depuis le décès des propriétaires, de la tante de cette fille-là, je crois, est une espèce d'illuminé qui aurait peut-être tendance à être schizophrène. Mais ça, on l'apprend à peu près les 10 dernières minutes du film, et puis il se passe tellement rien, que ça en est d'une platitude horriblement longue. Donc, moi, sujettez-vous des Invoking. Si vous voyez ce film-là en rayon, soit en vente ou en location, ben, passez vite devant, puis laissez-vous pas tenter, parce que il y a à peu près juste la pochette qui est belle. Le reste à l'intérieur, c'est vraiment nul à chier. Autre film que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est un film d'action criminel qui porte le titre de Bad Country, qui est un film de Chris Brinker et qui met en vedette Matt Dillon et Willem Dafoe. Tom Berenger aussi, mais il était vraiment dur à reconnaître Tom Berenger. En fait, il joue le méchant principal dans ça, là. Ça m'a pris quand même quelques séquences à m'en dire, ah oui, c'est Tom Berenger. Bon, bref, Matt Dillon, moi, c'est pas un acteur qui m'a jamais épaté en tant que tel. Je trouve que c'est un acteur assez drabe, généralement. Mais ici, dans ce film-là, je trouve qu'il a très bien interprété son rôle. Puis c'est inspiré de faits réels aussi. Qui se passe en Louisiane. Et qui, comment je pourrais dire, met en scène une crapule qui est jouée par Matt Dillon, qui fait partie d'une association criminelle à forte tendance raciste. Forte tendance raciste, je vous dirais même plus, à forte tendance hitlérienne. Et qui, lui, après avoir fait plusieurs sales boulots, il décide de demander un break à son boss, qui est Tom Berenger, parce qu'il voudrait se ranger un peu plus, fonder une famille, et ainsi de suite. Et ça lui est accordé. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ça lui est accordé simplement pour un temps. Et il y a beaucoup de problèmes qui se présentent à lui. Et il est comme forcé à revenir vers ce milieu-là, sauf qu'il est pris par un policier qui est en enquête sur ça, sur cette espèce de secte-là, cette bande-là criminalisée. Et lui, l'oblige à devenir une espèce de double pour être capable de vraiment prendre la main dans le sac, ces gens-là. C'est un scénario de base assez, je dirais, stéréotypé, si on veut. Mais il reste que le film est intéressant. Il y a de l'action quand même très correcte dedans. Et c'est un film de série B, je l'avoue, mais c'est un film de série B de qualité. Donc, Bad Country, c'est mis des films d'action à tendance, forte tendance criminelle. Ben, je pense que ça peut être un divertissement intéressant. Je vais donner un 7 sur 10. Autre film que j'ai trouvé quand même fort bon, il s'agit d'American Hustle, qui est un film de David O. Russell qui met en vedette Christian Bale, Amy Adams et Bradley Cooper. C'est un film, c'est un drame à tendance criminelle encore une fois, mais plus au niveau des arnaques, qui est tiré de faits réels encore une fois, qui a été bien sûr brodé de fiction, et qui nous amène dans un univers que j'aime beaucoup. Moi, c'est l'univers des années 70, et qui met en scène l'une des plus extraordinaires scandales qui s'est passé dans ces années-là. Qui raconte l'histoire de fraude, typiquement jouée par Christian Bale, qui est un personnage qui vend des choses qui n'existent pas vraiment. À travers ça, fait du trafic de faux tableaux, et ainsi de suite. Et il est secondé par Amy Adams, qui joue le rôle d'une fille qu'il rencontre, donc il tombe follement amoureux, malgré le fait qu'il soit marié avec Jennifer Lawrence, qu'on a vu dans la pocherie de Hunger Games 2, là, entre autres, et qui, elle, est une parfaite hystérique. Il joue dans des magouilles assez, je dirais, délicates. Et lui aussi, il se fait prendre la main dans le sac. Et on l'oblige à devenir un infiltré, un agent double au compte, des enquêteurs. Et c'est très risqué. Et c'est admirablement bien joué par Christian Bale, ça faut le dire, parce qu'il est méconnaissable par moment. Mais c'est aussi un film qui est fait en finesse. C'est très intéressant, c'est bien fait, c'est bien reconstitué. L'atmosphère des années 70 est très présente. Pas dire que musicalement c'est toujours bon, là, mais il y a quand même une très belle ambiance qui s'en dégage. C'est bien fait. Je vous recommande American Hustle. C'est disponible en DVD et en Blu-ray. C'est un bon film. Mais je vais vous dire que vraiment, mon coup de cœur depuis... En fait, j'ai eu quelques coups de cœur depuis le début de l'année. J'en ai eu un autre très fort, c'est celui qui met en vedette Leonardo DiCaprio, un film de Martin Scorsese, c'est The Wolf of Wall Street. C'est vraiment un très bon film qui, selon moi, frise le chef-d'œuvre. Je lui ai donné un 9.5 sur 10. c'est vraiment, vraiment... Là aussi, ce sont tirés de faits réels, évidemment, très brodés de fiction. C'est vraiment le milieu de tout ce qui est la bourse et toutes les magouilles, les manigances qui se font pour être capable d'aller tirer un maximum de profit des investisseurs en s'en enrichissant, mais en faisant des passes qui sont vraiment très malhonnêtes par moment, et ça semble refléter peut-être la réalité aussi, quoique je suis très néophyte là-dedans. Mais c'est aussi le milieu scabreux, décadent et parfois très démoralisant de l'attitude de vie adoptée par ces gens, ces courtiers en bourse, qui sont des parfaits accros à toutes les drogues ou à peu près, à la prostitution, à des journées sans dormir, à s'enfiler des lignes de cocaïne une après l'autre, à faire des amphétamines, des barbituriques, à consommer de l'alcool à outrance, à en être malade, à faire des choses absolument obscènes et complètement déjantées en public. Mais tout ça devient totalement normal pour eux parce que c'est la seule vie qu'ils connaissent. Et puis, en plus de ça, ils font de l'argent à craquer. Par exemple, à un certain moment donné, ils réalisent un profit de 28 millions en 3 heures. Le gars se promène avec des Lamborghini, il y a des yachts qui valent des millions de dollars, un hélicoptère, en fait, des palaces comme maison. Mais, dans le fond, c'est un véritable pourri. Qui s'est entouré de gens tout aussi pourris, sinon plus que lui, et c'est sa déchéance. C'est vraiment excessivement bien interprété par Leonardo DiCaprio, qui, soit dit en passant, est un très bon acteur. Matthew McConaughey joue un rôle qui est assez court au début du film, mais encore là, lui aussi est assez bon, je dois dire. Donc, je dois dire que The Wolf of Wall Street, je le conseille sans aucune retenue, c'est un très bon film. Bon, et dernière petite chose, le film que je vous conseille de revoir ou de découvrir cette semaine, eh bien, c'est le film de 2008, Cloverfield, qui est un film de science-fiction, qui est un film de Matt Reeves, et qui, pour une des rares fois, depuis bien des années, des décennies, met en scène un monstre gigantesque qui tombe sur New York, et on ne sait pas d'où il vient, mais qui fait un ravage extraordinairement massacrant. Et c'est un film qui a été fait de façon intelligente et non pas grossière et grotesque surtout. Cloverfield, c'est un bon film de science-fiction qui donne dans l'influence des films de Giant Monster, Japanese Giant Monster des années 50 et 60, et 70 bien sûr, mais celui-là, il est fait beaucoup moins... je dirais maladroitement. Cloverfield, c'est un très, très bon film. Un autre film qui serait intéressant à voir, qui sera en salle pas partout le 25 avril, c'est un film qui... La nouvelle version de la Hammer Production, c'est The Quiet Ones, qui est un film d'horreur. Bon, ceci étant dit, je pense qu'on va quasiment devoir aller en pub tout de suite. Et après la pub, je vous propose un bon petit bloc death metal. On va entendre entre autres du Vital Remains, du Cannibal Corpse. Mais tout de suite après la pause, on va débuter avec Bolt Thrower et Anti-Tank Body Armor. Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de C'est Fou. Je suis hors zone. Je suis hors zone. Tu aimes la musique indie rock et tu cherches de nouveaux artistes à écouter? Ne manque pas Hors Zone tous les mercredis à 13h sur les ondes de C'est Fou. Chaque semaine, avec ma chronique culturelle, je vous présente un groupe indie rock. Hors Zone, c'est des entrevues, des quiz et évidemment l'indie rock à son meilleur. Avec Olivier et Karianne, Hors Zone, c'est assez fou. Je suis Hors Zone, je suis Hors Zone. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Thank you.

the darkness of your mind. Sorry to tell, the back of our time, in the raw and walking terror, stalking the forces to the end. Imposition of the poverty, sanity holding my threat. Desperation just opposed to me. I want to see but never far behind. Clean darkness drinks your eyes. Paranoia, a criminal. Fighting for the debunking terror. Your head creeps for the night. Subconscious moaning insidious. It was always in your mind. Release the vein of psychotic rush. Debunking terror. Stop the contortion. I am the blood you seek to spill. I am your inner time to kill. Dark inspiration, a moral fear. Created by the dead walking terror. Your hands have done my bidding well. Hideous dreams, no reality. Manipulation, no spell. I was with you, I heard the screams. The walking terror. Still at the torture. Devil the terror. Psychic dementor. The weak is one of the boss. My virus is the rest of death and the fear. My will is just as strong. The decision was mine, but I'll never know. Cannibal Corpse et la pièce Death Walking Terror que l'on retrouve sur Kill, qui est paru en 2006 sur Metal Blade. Wow, quel bon album! Quel bon band aussi! Jungle Rot, The Finest Hour, pièce d'ouverture de l'album Kill on Command, qui est paru en 2011 sur Victory Records. Et nous avions ouvert avec Bolt Thrower, Hand to Tank, Body Armor, que l'on retrouve sur Those Once Loyal. Dernière parution de cette formation britannique en 2005 sur Metal Blade. Et je le disais tous les fois, mais qu'est-ce qu'ils font? 2005, ça va faire 10 ans. Je n'allais rien comprendre. Côté spectacle, Trois-Rivières Metal vous propose le 11 avril prochain au Rock Café Le Stage dès 19h. Formation On Earth, Hear My Words et All in Pain. Les portes ouvrent à 19h, le début du spectacle est à 20h, c'est pour tous et c'est au coût de 20$. BCI propose le vendredi 4 avril prochain dès 19h au Club Soda les formations Cataclysm, Aborted, Blinded by Fate, Mass Murder, Messiah et Diabolico. C'est pour tous au coût de 20$ et 25$ taxes incluses via les billetteries du Club Soda, le Decibel Magazine Tour. Proposera Carcass, Black Dahlia Murder, Gorgatz et Noisem. C'est le mercredi 9 avril prochain à 19h. C'est pour tous au Métropolis. Il en coûtera 30 et 43 et 34 et 78 plus taxes pour y assister. Les billets sont disponibles via Ticketmaster. Destruction, Chrysin et Ex Mortus seront faux-fonds électriques le lundi 14 avril prochain dès 20h. Il en coûtera 21 et 26 taxes incluses pour y assister. Les billets sont disponibles via admission. Et le Pagan Fest American Part 5 se produira au Metropolis le mercredi 30 avril prochain à 18h30. C'est un spectacle pour tous qui comportera les formations suivantes: Kopiklani, Torisas, Tonic, Varg et Winterhim. C'est au coût de 30 et 43 et 34 et 78 plus taxes via Ticketmaster. 20h40, pratiquement 45. L'émission tire vraiment à sa fin. Il me reste le temps simplement de vous dire que la semaine prochaine, je n'aurai pas de spécial. Non, c'est une émission tout à fait traditionnelle. Donc, on va entendre la musique de soirée canadienne et des choses du genre. Ben non, c'est faux. Voyons, on va entendre pire que ça. Voyons donc. L'émission tout à fait normale. Et j'y serai, bien entendu. Pour l'instant, on va se laisser avec deux pièces, soit une pièce de Vader, What Color Is Your Blood, que l'on retrouve sur le EP The Heart of War, pardon, qui est paru en 2005 sur Regan Record. Et on va terminer avec la longue pièce de Vital Remains, Hentwith by Vengeance, que l'on trouve sur The Christian Eyes, qui est paru en 2003, à l'époque de Glenn Benton. Sur Olympic, une pièce de 10 minutes. Donc, je vous laisse avec ça et je vous dis sur ce, bien entendu, à la semaine prochaine, mais particulièrement, allez tous vous faire foutre, 'cause I said so. Go! We'll be right back.